Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de monde à propos de quelque chose que je n'ai pas bien expliqué. Il m'a fallu à moi-même beaucoup de temps pour arriver. Donc je ne prétends pas que les autres y arrivent en plus. Donc, je n'utilise pas d'autres supports, ni de textes, ni d'images. Donc je pense que nous avons perdu en plus aussi l'habitude de rester longtemps à écouter les personnes parler. Moi-même d'ailleurs, j'ai toujours des difficultés à suivre les conférences, parce que je ne suis pas un bon exemple de concentration devant les gens qui parlent. Je pense que c'est aussi une suite tardive de l'école. Je me suis habitué. Il y a quelqu'un qui parle face à moi, de penser à d'autres choses. Donc, plutôt pour dire, donc, je pense qu'il n'est jamais inutile ici de revenir sur nos pas, de répondre à la question, surtout la question des bases, du genre qu'est-ce que c'est que le travail abstrait. Et personne n'a des questions pour aujourd'hui? Une réflexion. On va dire que disons, la science qui, 17e, 18e, 19e, était un moyen éventuel d'émancipation, est devenu un moyen d'aliénation, c'est devenu un fétiche, une religion, et ça me rappelle la citation, point de vue, qui a bien résumé ça. Ils ont coupé l'arbre de la science pour en faire une matraque. Citation de monsieur. Oui, la question serait comme elle est assez intéressante, même si on admet ce principe, de savoir à quel moment est-ce que c'est advenu. Est-ce que c'est advenu au 18e siècle, au 19e, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est assez difficile de dire qu'on a eu un changement total. Donc, de côté, la science, déjà au 18e siècle, évidemment, c'était la science qui a permis, par exemple, la révolution industrielle et donc l'esclavage du prolétariat, etc. Donc, même avant, donc, la science a toujours grandi, surtout à côté des affaires militaires. Oui, ça c'est difficile à dire. Je dirais que ça s'est accentué après la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale. Oui, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs sources qualitatives liées à la guerre, évidemment. La Première Guerre mondiale qui a amené les premiers bombardements aériens et les premières attaques à l'arme chimique, évidemment, a représenté une source de qualité. Mais il est aussi vrai que certaines des plus grandes dévastations écologiques ont déjà été faites au 19e siècle, également par exemple. Parce qu'aujourd'hui, parce que nous oublions parfois que ce que la science a bien pu faire même avant, par exemple, je pense que les minières de charbon à ciel ouvert en Angleterre, l'utilisation du charbon ont également été des catastrophes écologiques, seulement qu'on en était moins conscients. Je pense que c'est un thème sur lequel je vais se retourner parce que justement, je propose toujours la valeur, donc n'est pas un facteur économique. La valeur est une espèce de structure totale de la société qui pose elle-même les différentes sphères comme l'économie et la reproduction quotidienne, aussi la science par rapport à d'autres. C'est sûr que la science moderne s'est toujours développée, évidemment, dans un contexte qui était toujours marqué, effectivement, par cette forme vide qu'est la valeur. Donc, de ce côté-là, on peut dire que la science, même dans ses fondements purs, avait effectivement quelque chose, si on veut, d'aliéné dès le début. Donc, mais ce n'était quand même pas nécessairement quelque chose qui apparaît dans tout son poids dès le début. C'est-à-dire, évidemment, ce qui est. Sans aucun doute le père de la science moderne, Galilée, on trouve comme déjà très, très explicitement cette idée que la science est une science de pure de quantité et pas de qualité. Lorsque Galilée a dit que le langage de la science est écrit en triangle, le cercle et carré, et que tout peut être exprimé en forme mathématique, donc là on a déjà vraiment toute la science moderne dans ce programme-là. Donc cette idée que la science est faite par. Ne s'intéresse pas à la qualité naturelle, donc il n'y a plus de force occulte, mais Évidemment, il n'y a pas d'ordre de l'homme, mais tous, évidemment, est régi par la même force qui pratiquement n'ont que les différences qu'on peut exprimer en des connaissances quantitatives, qu'on peut exprimer en termes, évidemment, en termes mathématiques. Et donc, d'une certaine manière, donc, le programme de base de la science, c'est-à-dire cette indifférence pour le contenu, c'est aussi ce désenchantement du monde, donc était déjà tout là au XVIIe siècle. Par contre, mais évidemment, c'est quelque chose qui a quand même pris du temps pour se, effectivement, pour avoir toutes ces conséquences. Dernière réflexion. Par contre, la méthode expérimentale peut être un moyen d'émancipation. Oui, d'ailleurs, ça dépend aussi que d'un côté, on sait qu'il n'existe pas d'expérience scientifique sans évidemment anticipation mentale dans des calculs. De l'autre côté, on sait que c'est-à-dire que Galilée, finalement, sa méthode n'était pas si expérimentale qu'on l'a dit, par exemple. Il n'est jamais monté sur la tour de Pise pour jeter tous les objets dont il a parlé, parce que son expérience n'aurait pas du tout marché, donc, parce qu'elle ne peut marcher par exemple que dans le vide. Donc, bon, je vais faire un essai d'approche compréhensible du travail abstrait, mais du point de vue du travailleur en l'occurrence, du salarié aujourd'hui. Comme définition molle et provisoire, on pourrait pas dire que le travail abstrait du point de vue du salarié, c'est quelque chose, une activité, il fait abstraction de ce qu'il fait, peu importe l'utilité sociale, le véritable rendement, ce qui l'intéresse c'est finalement le crédit sur sa fiche de paye à la fin du mois. Direct le compte, le travailleur aliéné si on veut, est condamné à faire abstraction de ce qu'il fait pour simplement toucher son salaire à la fin du mois. Je pense que c'est l'aliénation, c'est le travail abstrait. Et je dis ça parce que en venant ici j'ai rencontré une amie dans le bus qui à mon avis fait un travail totalement abstrait, prodigieusement inutile, mais il se trouve qu'elle est bien payée et qu'elle est fonctionnaire municipale. Et je connais un peu la mairie, je sais qu'est-ce qu'elle fait, ne sert à rien, c'est une utilité quelque part, mais en termes de productivité, d'utilité sociale, ça ne sert à rien, quoi. Mais la sécurité de l'emploi, etc., elle fait totalement abstraction de ce qu'elle fait, il ne faut surtout pas qu'elle pense à l'utilité réelle de ce qu'elle fait, la fonction de son occupation, elle est condamnée à faire abstraction de l'utilité réelle de ce qu'elle fait, je pense. C'est une définition provisoire du point de vue du travailleur, de celui qui est aliéné, qui fait ça tout simplement pour avoir un revenu à la fin du mois sur sa fiche de paye. Deuxième question, elle n'est pas tout à fait liée, mais je relisais ce matin l'excellent article que tu as fait paraître dans la revue des livres et des idées, mais l'ancienne formule, c'est un numéro qui date de 2009, la présentation de Postone, et à la fin je crois que tu parles de Kurz là. Aussi dans le même article, non? Un peu, ouais. Oui, alors moi j'ai lu Postone, etc. Bon, prodigieux bouquin, etc. Tu le présentes bien. Et on va dire que j'ai compris un peu, on va dire, faire semblant d'avoir compris. Mais quand je discute avec du militant ordinaire, entre guillemets, plutôt militant de gauche, extrême gauche, j'ai du mal à faire comprendre, j'ai peut-être pas compris totalement moi-même, que le travail c'est une invention du capitalisme. Le travail comme activité médiatisante. Ouais. On me dit, oui, mais. Bon, il y a le mode de production esclavagiste, le servage, etc. Mais il y avait toujours du travail. Depuis la fin du paradis terrestre, on est condamné à produire, etc. Alors, que le travail soit une invention du capitalisme, c'est toujours quelque chose qu'on a du mal à faire passer. Si personne ne travaille, on ne bouffe pas. C'est pas Saint Paul et la malédiction. Mais voilà. Alors, comment expliquer deux choses, le travail abstrait, que bonne approche de définition est grosso modo exact, et deux, comment faire comprendre que le travail est une invention du capitalisme. Avant, le capitalisme, on travaillait dans le sens, pour le sens commun. Et c'est pas vrai. Mais pourquoi? Oui, bah, comme toujours, c'est aussi une question de mots, évidemment. Il ne faut pas confondre le mot, c'est-à-dire le concept de travail, avec ce que Marx appelait le métabolisme avec la nature. Oui, d'où le rapport homme-nature, les hommes entre eux. Le travail est un rapport social, hein, et après. Oui, justement. Le métabolisme avec la nature, c'est évidemment simplement le fait que l'homme doit faire quelque chose pour, évidemment, pour chercher, pour répondre dans la nature ce dont il a besoin pour vivre. Oui. Mais il est déjà historiquement vrai que cela n'a jamais été appelé du travail. Donc le mot que nous utilisons aujourd'hui pour travail, labor, arbeit, robot, sont toujours des mots qu'on dit qu'en général une partie de l'activité, seulement la partie laissée aux esclaves. Donc on dit toujours en général la fatigue, donc le côté de peine. Par exemple, très différent d'aujourd'hui, un philosophe ou un chanteur, un guerrier, par exemple, n'aurait jamais accepté que je me reste ancien, qu'on appelle un travailleur. Donc, lui, ce n'aurait pas, ce serait très offensé si on avait dit qu'il travaillait, par exemple, dans l'armée. Ou Euripide, ce serait très offensé si on disait qu'il travaillait pour le théâtre. Donc, ça veut dire que. Donc le fait qu'il y a des activités pour créer ce dont l'homme a besoin en termes matériels et immatériels, encore ne veut rien dire. C'est un concept trop vaste. C'est comme dire que l'homme a besoin de respirer pour vivre. C'est, évidemment que c'est vrai, mais on ne peut pas baser une théorie sociale sur le fait qu'il faut respirer. Mais ce qu'on appelle travail, donc moderne, pour la société moderne, disons que le grosso modo à partir du XVIe siècle, donc ce n'est qu'une partie des activités sociales, donc et sont essentiellement les activités qui peuvent effectivement se retrouver sur le marché sous forme de marchandises ou de services qui sont proposés à la vente. Voilà pourquoi, je le dis toujours, cette phrase, par exemple, on peut dire, par exemple, d'un couple, par exemple, oui, il travaille, par exemple, dans une usine d'armement, mais elle ne travaille pas, elle s'occupe de son beau-père malade. Donc, cette phrase est déjà significative. Donc, une activité qui est beaucoup plus utile que l'autre n'est pas considérée du travail. Oui. Ça veut dire que même aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à tout considérer comme du travail. Donc, travail Et donc, les genres d'activités, même productives, même fatigantes, qui évidemment existent dans toute société, et d'abord, elle est évidemment toujours spécifique à un but. Donc, on fait quelque chose pour obtenir, pour cueillir du miel dans les bois ou pour construire un château. Donc, il y a des activités, il y a les menuisiers, il y a l'agriculteur, il y a à la limite les guerriers, etc. Mais on n'englobe pas dans les sociétés non capitalistes toutes ces activités sous une seule norme de travail qui efface leurs différences et qui met tout sur le même plan. Il existe dans notre société, on pense à partir du résultat et après on fait, c'est-à-dire, le moins possible pour arriver. Ou très souvent on tente de le faire exécuter par d'autres. C'est évidemment une injustice sociale, c'est une autre question. Il n'y a pas une valorisation du travail ou de l'activité en tant que telle dans notre société, dans notre activité, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, etc. La société ne tente pas de travailler le plus possible, elle tente de travailler le moins possible. Même aux esclaves, on imposait en général pas plus de travail que celui qui était nécessaire pour maintenir le patron. Peut-être une seule exception assez significative, peut-être, vous savez, quelles activités déjà de l'Antiquité étaient peut-être celles qui se rapprochent le plus d'une activité capitaliste moderne. La prostitution. Ah non, parce que là, il n'y a pas véritablement. Non, il y a plus d'un. Non, il y a plus d'activité effectivement qui. Non. Les minières. Les minières des métaux précieux ont effectivement. Marx cite des auteurs anciens qui disaient les pires conditions de ceux esclaves qui étaient vraiment en destin. Les mines du Lorient en Grèce. Les mines du Lorient en Grèce, l'espérance de vie des esclaves. Exactement. Donc même dans notre image, l'esclave n'était, comme beaucoup d'esclaves, travaillaient probablement beaucoup moins que les ouvriers d'aujourd'hui dans la Grèce antique. Mais ceux qui étaient vraiment les pires lots étaient ceux qui travaillaient dans les mines. Parce qu'effectivement, les mines, c'était déjà l'argent en double sens. Là, il y avait déjà cette idée d'une accumulation illimitée. L'Antiquité existait pratiquement sous forme de l'idée de la thésaurisation des métaux précieux. Des métaux précieux qui pouvaient aussi être, par exemple, effectivement, créer un véritable excédent commercial. Non, parce qu'on pouvait évidemment aussi plus les garder à temps indéterminé, l'envoyer dans le monde entier, etc. Mais par exemple, dans l'Antiquité, par exemple, on ne faisait pas des efforts systématiques, par exemple, pour accroître la production agricole et, par exemple, submerger le marché avec du blé pour le marché. Il y avait des échanges, il y avait des régions plus fertiles comme la Sicile ou l'Ukraine, mais il n'y avait pas une production systématique, visée systématiquement, par exemple, à obtenir le plus de marchandises avec le plus de travail possible. Et de toute manière, donc, l'essentiel de la vie dans l'Antiquité n'était évidemment pas défini par le travail. Donc le statut social n'était pas défini par le travail, au contraire, dans le Moyen-Âge pas non plus. on peut évidemment dire que ce genre-là, il vivait du travail des autres. Ah oui. Là, c'est l'argument marxiste normal. Mais même dans ces cas-là, donc, le but était simplement d'avoir d'autres qui satisfaisaient les besoins des patrons. Tout cela, ce n'était pas englobé sous une abstraction du travail. Donc on ne faisait pas abstraction des contenus donc pour avoir le plus d'activités possible. D'accord. Et de toute manière, on le dit, donc, et encore plus, donc ceux qui se rapprochaient le plus du travail, eux, des stuns, même au niveau étymologique, de l'activité, c'était justement le travail des esclaves. Donc il n'y a pas d'être fier que la société moderne industrielle a généralisé cette approche à la société tout entière. Oui, et une approche molle, insuffisante du travail abstrait du point de vue du salarié. Est-ce que ça peut se défendre ou pas? Je dois faire abstraction de ce que je fais si je veux ma paye à la fin du mois. Oui, mais justement, il faut toujours dire, on n'exécute pas un travail abstrait. Dans la société, chaque travail est en même temps concret et abstrait. Ce serait beaucoup plus correct, je dis toujours de parler du côté abstrait du travail. Donc même si je fais une chose très importante, utile, je fais quand même en même temps un travail abstrait, parce que sur le marché, cela n'apparaît que comme travail abstrait. Le salaire est évidemment la partie la plus évidente historiquement du travail abstrait, mais ce n'est pas sa seule forme. Si par exemple je travaille chez moi comme auto-entrepreneur et après je dois vendre les bonnets que je fabrique ou le logiciel que je fabrique, et évidemment c'est également du travail abstrait, parce que là évidemment donc l'intérêt pour moi qui ont ces produits-là est seulement leur capacité de réaliser leur valeur sur le marché. Okay. Non, justement, ces jours-ci, d'ailleurs, vraiment entre ma tête, je réfléchissais encore sur le fait jusqu'à quel point cette domination de son sujet, qui est la société marchande, pourrait effectivement se passer d'une structure traditionnelle des classes. Peut-être pas dans la réalité, mais on peut effectivement imaginer une société qui n'est pratiquement que ne formée que par ce qu'on appelle les autres entrepreneurs, ou par en Allemagne, ce qu'on appelle les moi société par action, ou ce qu'on appelle simplement le travailleur autonome. Donc en théorie, c'est-à-dire dans la pratique, ça pose. Ce serait probablement pas possible, mais c'est-à-dire en théorie, on peut imaginer un contexte où chacun possède ses propres moyens de production, par exemple son ordinateur ou d'autres choses, ou des moyens artisanaux. Il fabrique ce qu'il fait, après il l'amène sur le marché. Sur le marché anonyme, on serait tout également dans une société totalement la société de la marchandise et aussi capitaliste, seulement que le rôle du capital variable et du capital fixe ne serait plus distribué entre deux classes de personnes, mais pratiquement chaque individu pratiquement participerait en même temps de deux côtés. C'est-à-dire, ça n'a pas arrivé historiquement, mais cela même imaginer, selon moi, est utile, parce que cela donc démontre jusqu'à ce que le point la logique marchande pourrait à la limite aussi se défaire de ce que Marx appelait, comme nous avons vu l'autre fois, ces porteurs, donc les hommes qui portent les marchandises sur les marchés. Et de toute manière, la société a déjà fait des gros pas en avant sur cette route. La société classique au 19e siècle, donc quand même l'ouvrier avait de travailler lorsqu'il avait vraiment le surveillant avec le fouet derrière. Aujourd'hui, on est quand même arrivé dans une situation où c'est presque toujours, ce n'est plus nécessaire, parce que chacun se donne le fouet. Donc, et beaucoup de gens, justement, ce qu'on appelle les autres entrepreneurs et les autonomes, etc., ils travaillent avec des rythmes que probablement aucun salarié n'aurait jamais accepté. Mais si pour survivre, tu dois réussir à terminer ton boulot et dans la semaine, tu vas même travailler le dimanche 12 heures, parce que plutôt que de risquer de perdre, par exemple, de perdre ta commande et de perdre le segment des marchés. Et c'est vrai, évidemment, donc cette espèce de pseudo-auto-responsabilité augmente énormément et toute la tendance de la société va dans ce sens-là. C'est sûr que ça va encore augmenter. Et on n'a rien gagné, c'est au contraire, donc c'est devenu pire. Mais c'est pire parce qu'on est plus, il n'y a plus un facteur externe que, contre lequel on peut se révolter, il n'y a plus de syndicats possibles. Mais tu peux évidemment te révolter contre ton patron, comment tu peux te faire un syndicat, te révolter contre un marché qui est, où tu es forcé au vivre. Parce qu'on te dit toujours, mais tu peux aussi faire le choix contraire, tu peux aussi ne pas le faire. Bien sûr, même si cette réalité de l'autre entrepreneur va encore augmenter, très probablement, même dans ces petites entreprises, il y aura toujours encore des employés qui sont exploités par le petit chef, même si c'est peut-être une boîte de 10 personnes, etc. Mais il serait inutile d'interpréter, par exemple, une réalité économique comme les petits startups dans l'internet économique, qui sont des boîtes de 10 personnes, même s'il y a une qui possède le capital, les autres sont des employeurs, on ne peut vraiment pas lire cela encore en termes de classe. Parce que, évidemment, parce que même celui qui est formellement le propriétaire de sa petite boîte, il est quand même dans une condition prolétaire de l'autre côté, parce qu'il va probablement travailler comme les autres, et risque nous aussi à tout le monde que sa boîte va fermer. Et donc, je pense que c'est vraiment important, là aussi, on retourne au monde ésotérique et exotérique. Il y a une certaine forme historique du capitalisme qui, effectivement, a fait son temps. Et c'était la forme que Dr. Marx était quand même la seule forme qu'il pouvait, effectivement, empiriquement voir. Une forme où, quand même, il y a différentes catégories de l'économie capitaliste sont aussi personnifiées par les personnes, par les propriétés juridiques. Le fait que cette société a quand même largement fait son temps, fait, d'un côté, est un argument triomphant pour toute l'économie bourgeoise pour dire « Ah, vous voyez, le capitalisme n'existe plus, Marx était trompé, donc il n'y a plus le classique capitalisme avec le rôle de forme qui engraine tout le son valeur. » Ou de l'autre côté, beaucoup de marxistes traditionnels, donc ils s'efforcent beaucoup pour dire « Ah, maintenant, regardez-moi en vérité, la structure des classes existe encore, seulement qu'elle s'est déplacée, donc maintenant c'est en Chine, ou maintenant c'est la seule classe capitaliste, la classe rentière dans la finance, ou aussi beaucoup d'autres, où il y a toute la théorie du capital cognitif qui tente encore de démontrer qu'il y a une exploitation qui passe maintenant quand même pour l'exploitation de tous nos savoirs, même de nos savoirs linguistiques, etc. Donc cela n'est pas totalement faux. Moi, je pense que ça ne touche pas l'essentiel du problème. L'essentiel du problème est justement ce que le Marx ésotérique avait prévu, qu'il y a une espèce d'autonomisation de ce genre de forme. C'est justement, c'est là le fétichisme. Le fétichisme, justement, est complet lorsqu'il n'y a plus besoin de personnage en chair et haut pour gérer la machine, lorsque la machine va finalement tout seul. Et c'est à ce moment-là qu'il est encore plus difficile à critiquer, donc évidemment, c'est ce que nous vivons. Il était facile pour les ouvriers, on aurait donc facile pour les ouvriers à s'unir, par exemple, pour protester tous ensemble contre les propriétaires de l'usine, obtenir des conditions de travail. Il devient beaucoup plus difficile, évidemment, de protester contre une précarité qui semble, surtout lorsque cette précarité vient directement du marché, elle n'est même plus proposée sous forme de contrats précaires, etc., mais sous forme d'une espèce de recherche perpétuelle de son propre segment de marché. Mais il y a quand même, comme je dis, il y a des sociologues qui ont relativement bien décrit ce phénomène. Je pense par exemple à Zygmunt Bauman dans son livre La modernité liquide, et dans ce nombreux livre qui porte presque toujours le terme liquide dans le titre. Mais ceux qui le décrivent, en général, il reste un peu là aussi à la surface du phénomène sociologique. On ne comprend pas pourquoi, de toute manière, il ne indique pas le lien évidemment avec la logique de la dévalorisation de la valeur, parce que c'est une catégorie pratiquement absente chez Bauman. Donc nous avons ceux qui sont quand même relativement le plus proche de la vérité, ou les marxistes traditionnels qui veulent à tout prix encore trouver leur sujet révolutionnaire, ou dans les banlieues de Paris, ou dans les campagnes chinoises, ou simplement des gens comme l'italien Paolo Virno, pour lequel finalement on exploite même notre capacité linguistique de parler, etc. Ou justement, comme je dis, évidemment, toute la théorie libérale, c'est que nous sommes sortis de l'exploitation de la domination, nous sommes tous libres. Tandis que justement, je pense qu'un des avantages de la théorie du fétichisme est de dire non, donc nous sommes toujours dominés, mais nous ne sommes plus définitivement plus dominés par des personnes, non seulement. Si cela existe, évidemment, au niveau secondaire, nous sommes essentiellement plus que jamais dominés par les structures que nous avons créées derrière notre dos. Et donc c'est exactement la catégorie du fétichisme. Et donc encore, donc oui, je comprends qu'évidemment, je sais que souvent des gens qui doivent très bien durement se sentent presque, on a presque l'impression qu'on se moque d'eux si on critique le travail. Mais il y a quand même quelque chose d'assez pervers dans le coup d'identification d'être fier d'être travailleur. On peut être fier parce qu'on fait vraiment quelque chose d'utile, mais pas pour le fait même de travailler. Et on peut quand même toujours dire, d'abord, dans la société, de toute manière, on travaillait assez peu dans la société pré-industrielle en général, parce qu'on s'est contenté aussi de peu. Et aujourd'hui, on pourrait également travailler très peu. La société, on travaille normalement dans la société parce qu'une grande partie du travail est finalement absolument inutile. Donc, même faut démontrer que même si on garde la catégorie du travail, on pourrait donc 3 heures de travail serait assez suffisant pour toute la société. Si on enlève tous les travaux inutiles, tout ce qui ne sert, tous les transports inutiles, donc toutes les manières, tout ce qui est armement, sécurité et d'autres, tout ce qui est circulation pour faire travailler les gens à 200 km de chez eux, etc. Tu en parlais une fois, mais j'ai relu un texte de Keynes, oui, qui en 1930 préconisait une semaine de 15 heures. En 1930, oui. Oui. Avant la théorie générale, en 1930, compte tenu des gains de productivité, machin truc, etc. Oui. Keynes, c'était plutôt un gros bourgeois monétariste, oui. La semaine de 15 heures, 1930. Oui. Keynes était assurément un des bourgeois les plus intelligents. Donc, je pense que j'ai cité l'autre fois, c'est lui qui, après Marx, a donné la meilleure définition du travail abstrait avec son idée de creuser les trous et de le remplir avec des bouteilles, des bières vides qui contiennent des banknotes. Donc, c'est évidemment une définition très ironique et très britannique, finalement, du travail abstrait. Et d'ailleurs, il y a quelques années, une artiste sud-américain, assez discuté, s'appelle Serra, je crois, il a pris cette chose à la lettre, mais une initiative d'ailleurs assez discutée, je pense, il est allé à Gibraltar, donc il a beaucoup d'immigrés clandestins qui arrivent d'Afrique, donc il a embauché, je pense, quelques centaines, donc des gens pour un prix très très bas, il a fait creuser les trous, donc pendant toute une journée, plusieurs journées, et le remplir ensuite comme une espèce de performance, une espèce d'exemplification de ce que le travail abstrait. Tu le connais, ça? Non. Il s'appelle Richard Serra, je crois. Richard Serra, c'est autre chose. C'est un artiste très discuté, mais d'ailleurs, déjà là, on l'a comme critiqué parce qu'il a quand même aussi exploité. Et je pense qu'il est allé plus loin dans la provocation. Donc, l'année après, il a reconstruit en Allemagne une chambre à gaz. Il a invité les gens à y rentrer pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, c'était quand même un spécialiste de la provocation. Hidalgo Serra, quelque chose du genre. C'est-à-dire, peut-être que la définition keynésienne du travail abstrait peut être même plus connue que la définition marxienne, de toute manière, elle est plus, disons, imaginative. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on pourrait vivre beaucoup moins de travail, et encore sans poser le problème de l'automation. Il y avait une époque où on posait beaucoup d'espoir dans l'automation, même si situationniste au début se faisait comme cette illusion. Il y avait le fameux livre de Pierre Naville, de la jouissance à la note de l'aliénation de la jouissance, ou le contraire. Et, Mais je pense, même sans tomber dans ce rêve des machines qui font tous, comme dans un film d'Atim, on peut évidemment déjà dire, par exemple, ce sont des auteurs comme André Gorz ou Ivan Illich, qu'on pourrait vivre avec beaucoup moins de travail. Mais je trouve que cet argument est insuffisant parce qu'il se base toujours cette idée qu'il existait une sphère du travail aliéné, c'est-à-dire du travail sans but, seulement un peu la limiter. Je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant de dire qu'on peut organiser une vie sociale en commençant par le besoin et après faire le nécessaire pour arriver et tenter, même dans les limites du possible, de le faire d'une manière agréable qui dépasse aussi la limite du jeu et de la de l'exercice physique et mental et de ce que nous appelons travail. Je dis donner parce qu'il y a beaucoup d'activités qui peuvent être fatigantes. Pour moi, au moins, la critique du travail, pour moi, n'est pas nécessairement une éloge de la paresse. Mmh. Ce n'est pas ça. Ça peut l'être, ça peut surtout être une provocation utile contre le culte capitaliste du travail. Moi, je dis, si, évidemment, il y a beaucoup de gens qui aiment avoir une potager, c'est de la fatigue. Et c'est beaucoup plus fatigant, à la limite, que travailler ailleurs et aller les acheter. C'est une satisfaction, parce qu'on doit voir des choses qui poussent de les manger. Et je ne dis pas qu'on pourrait tout organiser sous cette manière-là, mais c'est sûr que beaucoup d'activités peuvent prendre ce caractère, donc sans même recourir toujours à des formes de technique ou d'automation. Mais déjà, les activités qu'on fait souvent collectivement, qui sont directement liées à du but, ont évidemment perdu ce caractère du travail, ou même... Je pense que finalement, cette séparation si nette entre le travail et le non-travail est vraiment une chose qui appartient, je dirais même, à une phase spécifique du capitalisme. Donc, évidemment, le symbole était vraiment l'usine et les bureaux avec la machine à poncer. Donc là, il y a une séparation totale entre travail et non-travail. Mais prenez aussi dans un village, si vous le trouvez, vraiment jusqu'à une époque assez récente, la fonction qui avait le barbier du village. Est-ce que c'est une qui était en même temps que c'était un salon, mais c'était aussi le gens qui se réunissaient là. Est-ce que c'est du travail pour le barbier? Oui, il était payé, mais en même temps, il s'amusait aussi, il bavardait tout le temps. Je pense qu'il n'aurait pas aimé de renoncer à cette activité-là. Donc évidemment, c'était quand même pour lui, et en même temps aussi une manière de se reproduire en tant que membre de la société dans un rapport direct. Et on peut. Donc il y avait beaucoup de choses, même dans une phase, disons, proto-industrielle, où aussi le rapport social et donc le résultat, le service ou le produit matériel était encore fortement imbriqué. Je peux faire de remarques, je ne veux pas être le seul à parler, quoi. Mais dans le texte que j'ai cité de Keynes, il fait valoir aussi que si jamais on travaillait 15 heures par semaine, c'est techniquement possible. Il parle d'une dépression nerveuse généralisée, parce que à la réduction féroce du temps de travail, il y a aussi une résistance culturelle. Il y a des gens, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que entre l'usinage du temps et l'autonomie de l'usage du temps, je veux dire, il y a un choix culturel à faire. On peut réinventer la scolaire des Grecs, etc. Bon, il faudrait peut-être aller vers ce truc-là. Et d'autre part, pour séparation travail et non-travail, on a tous un épicier marocain à côté de la bouche du métro. Quand on est militant, on rentre tard et on va acheter plus cher l'épicier marocain qui est ouvert de 10h du matin à 10h du soir et le vendredi, samedi, il est ouvert jusqu'à minuit. Bon, il fait des affaires. Et j'ai beaucoup parlé avec lui, etc. Quoi. Alors je lui dis, vous faites des heures extraordinaires. Ben non, parce que quand il n'y a pas de client, il regarde la télévision, il mange sur place, il y a ses enfants qui viennent l'aider. Je ne suis pas sûr qu'il fasse une séparation nette entre le moment où il travaille et le moment où il ne travaille pas. Il mange. Il regarde la télévision, les matchs de foot, et il sort des clients, et tout ça, c'est un peu confondu, son temps de loisir. Il y a ses enfants qui sont là, ils discutent avec les amis, puis en même temps, bah, il fait de la vente, il vend des trucs. Je pense que la division entre travail et non-travail, entre temps de socialisation et temps de production, ou de vente, etc., c'est quelque chose qui n'est pas très distinct dans son intellect. C'est pas comme nous, on sort de l'entreprise, on prend le métro, on rentre chez nous, on a fini le boulot, plus ou moins. Mais lui, non, c'est curieux, il est là, il est ouvert 12 heures par jour, et le samedi, mais il n'a pas l'impression de travailler, il vit là, en faisant du commerce. C'est l'exemple que j'ai donné dans les aventures de la marchandise, que dans les contextes que tu dis, dans les PC aujourd'hui, il est quand même déjà soumis à une forte concurrence. L'épicier a nocturne à Paris, mais si vous allez dans une village, même presque encore juif, jusqu'à une date récente, même en France, souvent les gens habitaient au-dessus de leur boutique, ils n'avaient même pas des horaires très réguliers. Lorsqu'un client entrait, il arrivait, et de toute manière, on bavardait en coupant le pain, et même s'il avait fermé sa boutique, de toute manière, il aurait rencontré à peu près les mêmes gens, peut-être chez eux, qui venaient dans sa boutique. Et donc, il ne faut pas idéaliser, évidemment, ces choses qui peuvent aussi être assez ennuyeuses, etc. Nous ne parlons pas de ça. Nous sommes évidemment, il ne s'agit pas maintenant ici de faire l'éloge du boulanger d'antan. Mais c'est assez important, justement, pour dire pourquoi ce concept moderne de travail ne s'applique pas même à des réalités, je dis même pas ethnologiques, même à des choses qui peuvent encore être vivantes aujourd'hui. Donc, parce que surtout une séparation nette entre travail et non-travail n'est même pas possible dans ce contexte-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre, je le dis comme ça, la peur du loisir, la peur de l'ennui? Qu'est-ce qu'il faut faire culturellement pour... parce que j'ai quelques idées, mais je veux entendre les tiennes. Parce que c'est l'idée de 15 heures par jour de travailler, donc chez Keynes. Par semaine. Oui, bon. Par semaine. Oui. Par jour. Par jour, c'est Keynes qui le dit, hein, c'est pas moi. Oui, oui. 1930. Oui, moi, c'est à peu près la même chiffre qu'avance aussi Gortz, je crois, et Lynch et d'autres. Et on va s'emmerder si on travaille que 15 heures par semaine. Oui, justement, si il faut critiquer ce concept. Ce n'est pas parce que 3 heures, c'est encore trop. Ce n'est pas là la question. Mais c'est que parce qu'il reste la même séparation. Et lorsqu'il y a du travail, ça veut aussi dire qu'il y a du loisir forcé. Donc, justement, là, le critique adressé à la critique du travail qui dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce temps-là? Qu'est-ce qu'on va faire si après, donc, ils vont rester tout le temps chez la télévision, etc. » n'est pas complètement fausse. Parfois, si je trouve pas, je vois maintenant les vacances des hordes des adolescents de 17 ans tous appuyés sur leur scooter en jouant avec leur portable, j'aurais presque le réflexe de dire que des vieux réactionnaires, de dire qu'il faudrait tous les envoyer travailler, non? plutôt que de tuer leur temps aussi. Hein. Parce qu'évidemment, le travail et les loisirs sans contenu vont ensemble. Il faudrait juste dépasser cette dichotomie. Et comme d'ailleurs, je dis là, au moins, je dis, il n'y a pas un modèle à récupérer dans le passé tel quel, mais là, au moins, on peut être sûr que beaucoup d'autres sociétés ne connaissaient pas cette distinction. Je dis, dire qu'on n'a pas toujours travaillé ne veut pas dire qu'on n'a pas fatigué. Il faut dire qu'il y avait, évidemment, on faisait ce qui était nécessaire au vu du but, qui pouvait aussi être parfois assez discutable, c'est une autre question. Mais il n'y avait pas cette idée qu'il faut dépenser son énergie vitale pour en obtenir un échange de métal précieux qui te permet d'accéder à tes désirs. Mais d'ailleurs, côté critique du travail, moi je trouve que même aujourd'hui, ça vaut parfois la peine de relire les œuvres de Charles Fourier. C'était quand même celui qui a le plus réfléchi à sa manière bizarre. Donc comment dépasser cette dichotomie, donc avec cette... des escadrons du travail, on ne travaille jamais, je pense, plus que 47 minutes à la même chose. Et où le soir, prévoyait-il, tout le monde doit chanter l'opéra lyrique. Ça, peut-être pas le plaisir de tout le monde. Donc, de ce côté-là, on peut absolument donc dire que le travail est une catégorie historique. Et c'est une autre question que je voudrais plutôt aborder dans le prochain cours. Et peut-être nous sommes aussi déjà en train de sortir de cette logique de la séparation entre travail et non-travail, mais pas par la bonne porte. Comme je dis, cette séparation vraiment nette qui était entre travail et non-travail, qui était évidemment son maximum dans l'usine, dans les bureaux fordistes, effectivement est déjà largement dépassé dans beaucoup de secteurs, surtout le secteur qui du travail un peu plus, plus moderne, plus dynamique, etc. Déjà, souvent, les gens travaillent sans horaire, surtout sans une distinction. Donc, souvent, Donc tout ce qu'on appelle les travaux créatifs, donc tout ce qui peut être le graphisme, publicité, mais également le broker et d'autres, souvent les gens dans l'informatique, les gens souvent ils disent qu'ils s'amusent à leur travail, donc ils veulent le faire, qu'ils le trouvent excitant, ça avait un rapport avec d'autres. Et surtout, dans ces contextes-là, très souvent, là, description sociologique aussi, de sociologues aussi comme Sennett ou Bauman, et surtout aussi la théorie de Boltanski qui appelle autre raison. Donc tout ce qu'elle avait le travail en réseau, donc on ne vante plus seulement sa force de travail spécifique pour une tâche déterminée, mais on vante toute sa personnalité, avec toutes ses capacités aussi qu'on peut acquérir hors du marché, évidemment hors d'une formation au métier, on vante aussi tous évidemment. Je ne sais pas, souvent on doit vendre son enthousiasme, sa capacité d'enthousiasmer d'autres, donc sa propre capacité d'entretenir des relations sociales. Mais on vend souvent également aussi, par exemple, ses goûts musicaux ou ses connaissances littéraires, ou tout ce qui te permet d'être à la page. Donc de plus en plus, même, je pense, même dans les entretiens d'embauche, évidemment, on ne valorise pas une capacité spécifique professionnelle, mais toute la personnalité de la personne en question. Et donc, surtout, donc, qui vit dans ces milieux-là, qui va d'une boulot précaire à l'autre, donc il doit aussi être, certainement, être dans une formation permanente, mais pas tellement une formation professionnelle, mais aussi une espèce de restyling permanente de sa propre personnalité, donc aussi du côté vraiment du côté évidemment de Freud, du côté des goûts musicaux, parce que c'est là ça peut créer un lien avec l'autre qui après te permet par exemple de rentrer dans une de trouver un boulot, de rentrer dans une de participer à un projet, etc. Et donc on sait que souvent dans ce secteur du travail, donc souvent les choses les plus importantes ne se passent pas, par exemple, dans le bureau, mais après ou pas, donc c'est là que tu fais les connaissances peut-être qui te permettent après, par exemple, d'être embauché par un autre projet plus important ou mieux payé. Moi, personnellement, une fois, j'ai assisté à une scène, donc même dans le secteur public, il y avait une amie qui, je pense, qui avait téléphoné au service, c'était donc elle était, donc enseignante précaire, donc elle cherchait un travail, elle voulait, je pense qu'elle avait appelé, elle s'appelait au proviseur pour demander des heures, et le professeur lui demandait, ah, qu'est-ce que c'est la musique que vous écoutez, là, moi aussi je la connais, ils se sont mis à parler 10 minutes de cette musique-là, et finalement elle a eu le poste. Et donc ce n'est pas donc, c'est une question de sympathie personnelle, mais c'est la question qui également, même, il y a toujours plus une espèce de commission, entre un mixage entre donc la capacité spécifiquement professionnelle et une attitude personnelle généralisée, qui en plus souvent les gens, certainement certaines personnes vivent en plus assez bien, donc ils trouvent que cela leur permet beaucoup de se valoriser tout au monde, plutôt que d'aller simplement vendre leur force de travail pour rester 8 jours, 8 heures devant un bureau à faire ce qu'on leur demande de faire. Mais cela a aussi beaucoup de conséquences négatives sur lesquelles, par exemple, se sont penchés des sociologues comme Alan Ehrenberg, donc une espèce de dépression qui remonte, qui, par exemple, se nourrit parmi d'autres choses du fait que finalement on ne peut jamais être sûr de la sincérité des autres. Donc justement parce que lorsqu'il n'y a plus de séparation entre sphère privée et sphère du travail, toutes les relations personnelles, les relations de travail deviennent souvent relations personnelles et vice-versa. Et donc, chacun tend à ne devenir pour l'autre qu'une espèce de pion sur l'échiquier. Donc, même les relations d'amitié, même d'amour, etc., peuvent toujours servir à améliorer sa propre position. Dans le monde, comment s'appelle Boltanski, le monde connexionniste. Et donc aussi avec tout le risque, évidemment, par exemple, de se retrouver sans amis, par exemple, si tu n'as plus un travail intéressant, un travail qui, par exemple, te permet de faire venir d'autres gens dans ton réseau. Et donc, on peut donc dire que cette séparation, donc, tout à fait, entre guillemets, non naturel, entre le travail non naturel, et peut-être déjà en train souvent d'être dépassé. et surtout, comme ça arrive, surtout d'abord dans le haut de la société, par exemple, aujourd'hui, d'avoir des horaires fixes de travail qu'on ne peut pas, qu'on ne peut même pas modifier, on a même contrôlé si on travaille assez ou pas. Normalement, aujourd'hui, ça veut dire que tu es assez en bas dans les chaînes des métiers. Donc, dès que, par exemple, la personne ne te contrôle, dès que tu as la liberté de rentrer et de sortir, tu n'es pas jugé, tu n'es jugé que sur tes résultats. Donc, ça veut déjà dire, sur les moyens en général, qu'on est plus élevé. Donc, évidemment, aujourd'hui, donc, cette idée d'une espèce de temps de travail qu'on emploie visiblement, donc, de cette manière, donc, ça veut dire d'être encore dans cette vieille logique disciplinaire. Et très souvent, donc, il y a des gens, comme c'est dit, ce qu'on appelle les Yuppies dans les années 90, non, des gens très jeunes. Les jeunes rampants, ils affirmaient très souvent, donc ils trouvaient amusant leur style de vie, donc ils devaient bouger tout le temps, donc pour leur que de jouer à la bourse, c'était le jeu, etc. Donc il y avait là une autre sortie, mais après, la société du travail, parce que là, donc, finalement, c'était pas une sortie du travail, mais une espèce de dépasser la frontière entre travail et non-travail, en transformant de certaine manière toute la vie en travail, ou en... Ou au monde dans une facture subordonnée du travail. Mais, comme je vous ai dit, je voulais juste consacrer les dernières cours d'une une lecture de certains sociologues qui décrivent la société contemporaine, de le lire justement, mais avec un peu sur le fond de la critique de l'économie politique, justement, de type marxienne, parce que justement, pour aller au-delà de leur empirisme et de leur tendance, finalement, de leur tendance de ne considérer le phénomène qu'ils décrivent que comme phénomène typique du seul néolibéralisme, souvent pour leur opposer la stabilité prétendue de société, par exemple de la société fordiste. Ça vaut aussi pour d'autres auteurs que je voudrais traiter ici, par exemple les auteurs comme Dany, Robert Dufour. Alors, je vais peut-être un peu répondre à mon film, m'arrêter aujourd'hui avant. De manière que la prochaine fois, on pourrait vraiment consacrer une séance à la question du fétichisme aussi, dans une perspective anthropologique, donc dans une perspective donc à long terme. Donc, on regarde la prochaine fois, on regarde donc des auteurs comme Durkheim, Mons Polanyi et Louis Dumont. Pour voir aussi de quelle manière le fétichisme de la marchandise fait partie ou non de toute une longue histoire de fétichisme. Donc aujourd'hui, je voulais faire une espèce encore des observations supplémentaires donc à tout ce que j'ai développé jusqu'ici sur le travail abstrait. Alors je pense que la dernière fois, j'ai insisté assez longuement sur la critique de la catégorie de l'intérêt. Et de la conception de la société comme composée d'individus donc, qui poursuivent consciemment un intérêt défini en termes rationnels et en général matériels. Donc j'avais aussi, je pense, assez insisté sur le fait que cette conception se trouve également dans sa forme pure, je le pense libéraux, donc à partir essentiellement de Hobbes et de Locke surtout, avec son propre corps, comme sa propre force de travail comme base de la société. Et évidemment que toute la pensée libérale et bourgeoise se base évidemment sur cette forme d'individualisme méthodologique, comme je dis, qui peut s'accompagner de l'individualisme éthique, mais ce n'est pas la même chose. Une grande partie de la pensée moderne se base sur cette idée que la réalité est pratiquement une espèce d'ensemble d'unités distinctes et petites comme l'individu. Une espèce d'une approche, on pourrait aussi dire, atomiste, Voilà, que la société ou d'autres grands ensembles, en général, ne sont simplement explicables qu'à partir de la structure de l'individu. Donc, c'est vraiment la théorie classique libérale. Elle dit, chacun veut toujours poursuivre, avoir le plus possible de la vie. Donc, Adam Smith le dit très clairement. Donc, chacun est égoïste par nature. Je dis, c'est seulement les Anglais ont été vraiment les maîtres de cette théorie. Avec, je dis, Locke, Manville et d'autres. Et comme toujours dans ces cas-là, on ne sait pas si être horrifié devant cette apologie de l'égoïsme ou s'il faut admirer peut-être leur franchise ou leur cynisme. C'est évidemment l'attitude ambivalente qu'on a devant tout ce qu'on peut appeler les écrivains noirs de la bourgeoisie, donc d'une certaine manière débute avec Machiavel. Même dans ces cas-là, évidemment, ce n'est pas le cas, je dirais, je suis scandalisé moralement, et même pas le cas de dire, ah, ils n'ont fait que décrire ce qui était déjà là. On peut quand même dire qu'ils ont aussi beaucoup contribué à développer cette nouvelle forme sociale qui sont toujours, je dis, en même temps de forme subjective et objective. Donc, les idéologies, les théories ne sont pas une simple reflet de la réalité matérielle, mais ils sont pas non plus le cause de la réalité objective. Comme je l'ai dit, on aussi se semble presque d'évidence. Moi, je trouve que dans le sens social, il y a très peu de gens qui évitent de tomber de l'un côté de l'autre. Où vous trouvez le matérialisme historique pour lequel les idées, d'une certaine manière, ne sont que le reflet de quelque chose qui arrive dans la sphère de la production. Où vous avez évidemment la vision classique idéaliste pour laquelle ce sont des idées qui forment la société et après, par exemple, les hommes changent le mode de production parce qu'il y a des autres idées juridiques, religieuses, etc. D'ailleurs, cette forme d'idéalisme que les idées viennent d'abord a aussi eu de grands retours, je dirais, par exemple, à partir surtout des années 60, par exemple, les épistèmes de Foucault, finalement, restent largement dans le même cadre, où je voulais justement parler un peu plus tard du fait qu'il existe une critique de l'économie aujourd'hui assez intéressante, par exemple, qu'on trouve toute l'école de Marcel Mauss, et qu'on trouve chez Serge Latouche, par exemple, son livre qui s'appelle « L'homme fonction de l'économie ». On le trouve chez Castoriadis, on le trouve chez un auteur universitaire comme Jean-Claude Michéa, on le trouve très bien expliqué chez le grand anthropologue Louis Dumont. Donc tous ces auteurs, je trouve, sont assez importants. Je vais revenir à leur critique de l'économie. Donc là, effectivement, ils vont au-delà du matérialisme historique parce qu'ils insistent sur le fait que l'être humain n'est pas. Ce n'est pas naturel à l'être humain d'être déterminé par un intérêt économique et que la même idée, la même conception de l'être humain, la même conception d'une économie comme sphère séparée par rapport à l'ensemble de la sphère sociale est une conception typiquement moderne et donc fait partie du capitalisme. Donc je dis, ces auteurs non marxistes que j'ai cités, donc Mauss, Latouche, Michéa, Castoriadis, Dumont, Giuliani, le disent assez bien. Je trouve qu'au moins de ce point de vue, ils ont beaucoup plus de raisons que certains matérialismes historiques vulgarisés qui analysent toute l'histoire sur la base de ce mode de production. Mais ce qui me laisse toujours perplexe dans ces auteurs, que pour eux, donc, l'économie est une question de conviction. Donc l'économie est venue comme une science. Donc, en effet, donc, le titre du livre de Latouche, je ne sais pas si vous l'avez lu, L'une fonction de l'économie est assez intéressant, mais finalement, il dépend de l'une fonction de la science économique. C'est quand même pas exactement la même chose. Donc tous ces auteurs, donc, ils restent quand même toujours dans la reconstruction des paradigmes de ce qu'ils disent. Comme aussi dans ce livre vraiment très, très important, Homo Equalis de Louis Dumont, c'est absolument juste. Ils décrivent comment les auteurs ont introduit cette catégorie de l'économie distincte du droit, distincte de la morale, distincte de la religion, à partir du XVIIe siècle. Et Et donc, avant, dans notre époque, il n'existait pas, effectivement, pas de réflexion sur l'économie. Donc, même ce que le livre d'Aristote qui porte ce titre, évidemment, vous savez, dans l'anglais, économie, c'est la science, c'est la maison. Donc, c'est presque exactement le contraire de ce que nous entendons aujourd'hui par économie. Mais ce qui me laisse perplexe, c'est que ces auteurs-là, dans ces idées, sont venus au monde, semblent tomber de la lune. Donc il n'y a pratiquement, à ma connaissance, presque aucune réflexion sur les liens entre cette naissance de la science économique et le processus profond de la réalité. Ou peut-être il y a un lien avec des facteurs donc, déjà appelés économiques, comme par exemple la croissance, les échanges commerciaux, etc. Mais il n'y a pas une réflexion sur les liens entre la diffusion de la forme valeur de la marchandise à l'intérieur de la société et la naissance de la science économique. Et chez eux, on a vraiment l'idée, à différents degrés, qu'il y a eu des gens qui ont eu cette mauvaise idée pour monter de la science de l'économie, ils écrivent des traités et après la réalité commence à s'adapter à leur traité. Je ne veux pas caricaturer, mais je pense que c'est aussi le même problème chez Michel Foucault. Donc ces épistèmes, c'est très intéressant, mais il ne dit pas un mot pourquoi il y a un nouvel épistème qui arrive, pourquoi les épistèmes changent dans l'histoire. Donc il semble que tout cela, on retombe dans une certaine vision, je dirais, très idéaliste de l'histoire. Il semble que ce sont les grands penseurs qui, d'une certaine manière, réussissent à eux primer leur saut sur la réalité. Je ne sais pas si vous avez lu ces auteurs, peut-être vous avez peut-être trouvé d'autres passages où ils s'expliquent mieux, mais moi je ne l'ai pas trouvé. Donc, même je passe par Castoriadis, donc il y a toute cette histoire de l'imaginaire humain. Maintenant, je ne veux pas répéter le jugement, mais prisons de débord sur Castoriadis. Mais le problème, c'est aussi là que tout cela semble, de certaine manière, marcher évidemment comme une espèce de sphère à part. Donc là, il manque, comme chez le matérialisme historique, mais de manière opposée, il manque vraiment une médiation entre le facteur, entre le facteur subjectif et objectif de l'histoire. Et si je pense qu'effectivement la théorie du fétichisme a une véritable valeur pouvoir heuristique, donc au-delà de toute utilisation politique, militante, etc., je pense que sa valeur scientifique réside effectivement dans la possibilité de dépasser ce genre de clivage, donc entre l'approche subjective et objective, entre une approche holiste et une approche individualiste, entre une théorie de l'action et une théorie de la structure. Parce qu'il y a quand même toujours une histoire réelle qui va avec l'histoire de des idées. Comme je dis, je pense qu'il faut là, si on la regarde, il faut vraiment se libérer de toute idée quel des deux facteurs arrive en premier. Donc parce que sinon, ce serait vraiment la question de la poule et de l'œuf. Si le capitalisme d'abord est une question. Parce que ceux qui insistent sur un aspect strictement matériel, comme certaines parties du temple, les tenants les plus orthodoxes, disons les plus riches du marxisme, du matérialisme historique, comme Nicolas Boukharine, finalement, ils se voient obligés à reconduire tous à la technique, parce que finalement, donc même le changement des modes de force. La production dépend des forces productives, et donc les forces productives, pour eux, finalement, c'est le moyen technique. Donc ils tombent dans une espèce de déterminisme technologique. De l'autre côté, comme je dis, l'autre approche, l'approche classique bourgeoise, consiste plutôt sur une espèce de développement autonome des idées, par exemple sur le poids qu'il y avait, par exemple, la religion chrétienne. Là aussi, on ne comprend pas très bien pourquoi une nouvelle religion arrive. Tandis, l'important, dirais-je, est toujours de voir comment il y a des choses qui, effectivement, il y a une espèce de forme sociale qui se place à un degré, je dirais, d'abstraction qui va au-delà du subjectif et de l'objectif, du matériel et de l'idéal, que cette nouvelle forme qui, après, d'une certaine manière, se développe en même temps sur les deux côtés. Alors là, devenir être un peu plus concret. Et là, je peux citer Boston, par exemple, la valeur, ça veut évidemment dire de mesurer le temps, le travail qui est sur le facteur temporel, et donc sur son contenu. Et donc, la valeur, la posture est très forte, donc n'a peut exister comme fonte de médiation sociale que lorsqu'il existe une conception abstraite du temps. Donc, c'est là, évidemment, quelque chose qui apparaît à la fin du Moyen-Âge. Et maintenant, je ne veux pas répéter ici les analyses de Postone, mais j'ai dit donc, il montre qu'il n'existait pas d'horloge, pas de montre avant la fin du Moyen-Âge, parce que le temps était toujours perçu comme quelque chose de lié à la lumière, au jour. Chez le Romain, par exemple, l'Antiquité, les heures n'avaient pas toujours la même durée, parce que la journée de l'aube au coucher du soleil était partagée en 12 heures, donc une heure était plus longue en été. Et je me suis d'ailleurs toujours demandé comment on faisait pour se donner rendez-vous dans l'Antiquité, à part des choses assez génériques, du genre à midi. Oui, moi je pense que César, un Auguste, était très occupé, même à leur époque. Je me demande vraiment, de toute manière, donc les subalternes devaient toujours à toute manière arriver en avance et attendre l'autre. Et donc, évidemment, il existait des horloges, parce que c'était des cadrans solaires, donc c'était par définition un temps qui n'est pas abstrait, ce n'est pas un temps qui, évidemment, qui comme l'appelle Postone, le temps de flux, donc qui, évidemment, qui passe toujours d'une manière absolument mathématique, mais c'était évidemment un temps concret. Et avec, vous savez aussi peut-être que Legoff a aussi écrit un livre important qui s'appelle, ce premier livre, Temps du marchand et Temps de l'Église. Évidemment, plus le temps de l'Église, par exemple, est par définition un temps aussi concret qui est évidemment scandé par des rites, par des événements, évidemment, c'est-à-dire par le calendrier liturgique et par des moments forts, évidemment, genre le Pâques, par exemple, et d'autres moments forts. Et de toute manière, chaque évidemment journée, en vérité, dans l'année, avait pour l'Église une importance particulière, une différence qualitative par l'autre. Comme déjà le fait qu'évidemment chaque jour avait son sein, etc. Donc, il y a donc cette invention technique, évidemment, de démontre, qui, de sa part, était évidemment arrivée d'abord, semble-t-il, dans les monastères. Et c'était le monde qui avait démontré, se sentait le premier, la nécessité de donner une régularité à leur journée, une régularité presque mathématique pour les hommes. Et en même temps, nous avons déjà parlé de tout ça, non? Non. Les monastères sont aussi le premier lieu qui ont eu une vision positive du travail. Justement, c'est qui a dit ora et labora, c'était Saint Bénédicte, au VIe siècle. Donc le premier groupe même, même en Occident qui avait une vision positive du travail, c'était au moins certains ordres monastiques. Peut-être pas les ordres mendiants, évidemment, mais il y avait des ordres qui travaillaient, évidemment, pour l'agriculture. Évidemment, ce n'était pas des travailleurs au sens moderne, parce que pourquoi le moine valorisait le travail? Essentiellement, c'est-à-dire qu'ils s'astreignaient eux-mêmes au travail. Et même si ce n'était pas nécessaire, il les faisait encore comme une forme de pour épier leur péché. Donc c'était encore, c'est entendu comme expier, oui. Mais c'était encore une pénitence. Donc c'était, le travail était encore considéré une souffrance, mais comme une souffrance qu'on infligeait à soi-même quand on pouvait porter une cilice. Donc c'était encore plus tard qu'on a même considéré le travail en tant que tel positive. Mais donc cette idée que la créature se réalise avec le travail, que le travail est donc un service rendu à Dieu, donc après, donc je dis, c'était les ordres monastiques, donc paradoxalement, plutôt dire, passé au protestantisme. Et là aussi, grande différence de toutes les autres religions, on rend service à Dieu en général avec la contemplation, donc le contraire du travail. Donc, le travail était considéré une nécessité maintenant un peu plus compatible avec un service à Dieu. Donc évidemment, quelqu'un de méditation ou de regarder son propre obélique ou d'autre chose. L'étude. Ou l'étude, évidemment, c'est aussi une forme de contemplation. Mais, donc le monde est évidemment beaucoup plus développé, comment c'est l'idée donc, de se auto-châtier, donc évidemment l'idée de renoncer à manger, renoncer à dormir, et évidemment le travail, pour eux, donc se rentrer dans la même catégorie de auto-punition. Là aussi, d'ailleurs, c'est un autre argument pour les militants du travail. Donc, cette valorisation du travail, c'était vraiment un caractère vraiment masochiste, vraiment au sens primaire. Donc, le premier qui travaillait volontairement, donc vraiment, le faisait pour se punir, donc pour se faire le plus de mal possible, être comme alternative à leur autoflagellation. Et donc, déjà, donc, les monastères ont joué le rôle. Donc, assez important pour les deux choses, donc pour la diffusion d'horloges, du temps abstrait et d'une moderne mentalité du travail. Et donc, c'est donc à peu près au XIVe siècle qu'on peut, de cette manière, situer donc, la naissance du capitalisme. Je ne veux pas aborder ce thème aujourd'hui, mais on peut dire que de deux côtés, donc au XIVe siècle, trouve effectivement déjà la dissolution de la société féodale et le premier rapport encore assez sporadique de travail salarié, notamment dans deux régions de l'Europe, Flandre et la Lombardie. Et surtout dans le secteur textile. Et question assez intéressante, qui est également et c'est là aussi que d'ailleurs, par exemple, éclate le premier conflit autour de la question de l'horaire du travail. Parce que dans l'Antiquité, le travail, c'était assez clair, le travail, c'est en effet, pour des raisons assez évidentes, de l'homme jusqu'au coucher du soleil, avec éventuellement une pause pour les heures les plus chaudes. Tandis que, il semble que dans les premières manufactures, les premières donc les capitalistes, on les appelait comme ça, on a l'idée d'allumer de lumière le soir pour faire travailler davantage le travailleur. Donc là, donc, ça donnait par exemple des premières formes de lutte des classes. Parce que justement là, il y avait aussi cette chose typiquement capitaliste, déjà en germe. Donc de ne pas respecter les limitations naturelles, par exemple à la journée, par exemple qui posait évidemment d'arrêter à 4 heures de l'après-midi de travailler en hiver, mais de dire on peut obtenir plus à partir de ces ouvriers. Donc on va prolonger la journée, on ne va pas respecter la limite naturelle. Et donc je pense là c'est peut-être le troisième élément justement. Insister sur ce fait que les facteurs objectifs et subjectifs vont toujours ensemble. Je pense qu'au XIVe siècle, on trouve des facteurs qu'on peut appeler matériels, et surtout l'invention des armes à feu, c'est l'autre chose dont on va parler. On trouve des choses qu'on peut vraiment appeler, si on veut, idéologiques ou idéales, comme la valorisation du travail chez les moines, et on trouve d'autres facteurs justement qui sont un peu au milieu. Il y a donc aussi la naissance d'une nouvelle mentalité, donc cette mentalité qui ne respecte plus les limites. Et peut-être, on en a parlé, moi je pense qu'on a souvent discuté de la question pourquoi c'est l'Europe qui a conquis le monde, qu'est-ce qui est passé en Europe, qu'est-ce qui explique donc, cette expansion du tout petit bout du monde aux dépens du reste du monde. Je pense que la chose. Une chose vraiment importante, peut-être difficile à conceptualiser, c'est passé entre le 14e et le 15e siècle, il y avait cette idée de l'illimité, cette idée de ne pas plus respecter les frontières, les limites naturelles, de faire toujours davantage. Justement, il y avait ce déchaînement d'une dynamique, et cette dynamique, parce que toutes les autres sociétés, on a eu de grands empires, de grandes richesses, même de grandes conquêtes. Mais c'était toujours, comme on l'a dit, toutes les sociétés précaires étaient essentiellement des sociétés statiques parce que leur base était l'agriculture. Donc, ils pouvaient à la limite ajouter, par exemple, en conquérant des nouveaux terres, mais il n'y avait pas un dynamisme intérieur. Donc c'est avec la valeur et avec cette accumulation de vide sans contenu que naît cette idée d'une espèce d'accumulation sans limite, qui ne se limite pas à la sphère matérielle, mais qui se trouve un peu dans toutes les sphères de la vie. Et de l'autre côté, je pense que la valeur donc, n'aurait pas pu faire son triomphe, comme les armes à feu n'auraient pas pu avoir leur triomphe, s'ils étaient déjà formés au monde à un stade initial, cette espèce, cette idée de l'illimité, cette espèce d'abattre d'aller le plus loin possible. Ce qui explique pourquoi tout d'un coup les Européens après sont allés à conquérir le monde, parce que probablement. Parce que donc après le siècle, ils se sont contentés de l'Europe et de la Méditerranée, donc tout d'un coup, il y a cette idée, évidemment, que c'était pas. Il y a aussi une explication, pas seulement matérielle, pourquoi les hommes sont allés, tout d'un coup, sont allés, les Européens, sur une océan qui a toujours été là, mais d'un coup, il y a des gens qui acceptent même le risque, qui sont aussi en plus financés par l'État pour aller sur ce océan inconnu, voir qu'est-ce qu'il y a derrière et conquérir tout ce qu'ils peuvent conquérir au-delà. Bon, maintenant, comme souvent, je suis en train un peu d'aller au-delà de mes thèmes, mais je pense qu'il est important pour comprendre le capitalisme. Ces moments-là, j'ai aussi discuté récemment avec Jérôme Bachet, qui enseigne ici l'histoire médiévale. Donc, lui, en suivant les coffres, place le moment de la rupture plutôt au XVIIIe siècle, donc au moment de la révolution industrielle. Évidemment, moi, pas historien, donc je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je pense que déjà la révolution industrielle n'est qu'une conséquence d'un changement qui a eu lieu, je pense, effectivement, au 14e, 15e siècle, parce que c'est là qu'il y avait ce différents facteurs qui peut être par hasard, c'est comme peut-être comme une explosion chimique où il y a différents éléments qui, en tant que tels, ne sont peut-être pas nocifs, mais une fois qu'ils se rencontrent, ils font une explosion. Donc cette mentalité du travail, donc la première forme de production capitaliste, la révolution des armes à feu, donc tout cela finalement a fait une mélange et a fait aussi que des choses qui existaient déjà avant, et par exemple les armes à feu existaient aussi en Chine, déjà le roman connaissait par exemple les feux d'artifice, que des choses qui, pris isolément, peut-être existaient déjà avant, ont pris toute une autre signification une fois que se sont rencontrés entre eux. Là, c'est quand même, là, si on veut, une espèce d'histoire, histoire aussi avec un fort côté objectif. Donc là, ce n'est pas donc une fonction de la science économique. Là, nous sommes donc effectivement dirigés face à la naissance d'une nouvelle forme a priori, comme nous l'avons dit l'autre fois, presque une forme a priori au sens qu'on tient. Donc, quelque chose, donc, un nouveau filtre se développe, un nouvel donc, schéma à travers lequel les hommes perçoivent le monde. Et donc cela donne donc, des résultats autant sur le plan idéologique, sur le plan des mentalités, etc., que sur le plan matériel. Je dis parce que je ne crois pas du tout au déterminisme technologique. Je dis toujours la plupart des inventions ont été faites plusieurs fois dans la vie, dans le monde. Donc la machine à vapeur a été inventée, je crois, 6 fois avant le 18e siècle. Déjà, l'Antiquité la connaissait. Mais il manquait tout le contexte social pour l'utiliser, parce qu'il n'y avait pas de prolétariat. Et déjà, je vois les comètes quelquefois. Donc, qu'est-ce que l'Antiquité aurait fait avec les machines? Rien, parce que pour eux, le travail, c'était les esclaves qui devaient le faire. Ce qui devait même occuper les esclaves, parce que qu'est-ce qu'auraient fait les esclaves s'ils avaient eu trop le temps pour faire d'autres dépensées. Et donc les machines que l'on vendait dans l'Antiquité servaient généralement à être des jouets. Je crois même l'académie platonicienne, ça me vient à l'esprit maintenant, avait déjà inventé le réveil matin. Évidemment, l'humanité n'était pas encore assez abrutie pour faire la base de la vie sociale du réveil matin. Et donc, selon moi, la technologie n'explique rien en tant que telle. C'est aussi le fait bien connu, mais inexplicable, pour le tenant de l'histoire matérialiste, que les populations américaines, donc précoloniales, connaissaient la roue, mais ils ne la faisaient rien. Donc, ils l'utilisaient également pour des jouets. Donc il faut toujours qu'il y ait plusieurs facteurs qui se lient entre eux, qui sont dirigés, tenus ensemble par une espèce d'a priori. Donc il peut être la valeur, comme d'autres formes de société, cet a priori a été le service de Dieu ou le totémisme. Donc ce que Marcel Mauss appelait une forme sociale totale, mais qui est évidemment une forme sociale inconsciente, qui exactement existe dans un degré qui n'est pas biologique, n'est pas anthropologique, mais qui est quand même qui est accessible à des changements historiques, mais qui est quand même, c'est quand même assez lié à l'inconscient au sens freudien, mais qui évidemment est hors de notre portée en général, hors même de notre connaissance et autant plus hors de notre capacité d'intervenir. Au moins, ça a été le cas dans toute l'histoire, c'est-à-dire justement. Si on veut être optimiste, on peut dire justement une chose dans laquelle le XXe siècle, la modernité vraiment se distingue de notre société précédente, c'est justement d'avoir porté cet inconscient à la lumière, au monde dans son existence. Donc la théorie du fétichisme de Marx, la psychanalyse de Freud, comme aussi d'autres, d'une certaine manière aussi le structuralisme linguistique, d'un certain côté. La sociologie de Durkheim, etc., ont d'une certaine manière rendu conscient ce qui avant ne l'était pas. Et donc, en principe, il devient alors aussi accessible à l'action humaine. Évidemment, ça peut être une question vraiment spéculative que peut-être on pourrait discuter à la dernière séance. Donc je voulais, aujourd'hui je vais vraiment terminer ce discours donc dans la plupart de leurs actions, le sujet de la marchandise ne sacrifie pas consciemment au culte du fétiche marchand, évidemment. Ils croient au contraire pour chaque fois poursuivre leur intérêt, parce que donc, l'intérêt existe, l'intérêt communicatif de l'argent. Mais il faut donc se demander quelle est la forme de médiation entre la conscience empirique et la forme sociale de base, celle de la valeur marchande. Parce qu'évidemment, chacun pense de poursuivre son propre intérêt égoïste, mais en vérité, finalement, il finit pour servir le système. Et pas pour servir d'autres personnes, essentiellement pour servir un système qui finalement dépasse totalement toutes les intentions subjectives. Alors, il faudrait alors déterminer la forme générale de la conscience, la forme qui prédétermine tout contenu particulier, à la manière d'une grille de perception ou d'une code, on peut dire. On pourrait aussi dire dans un langage très contemporain, une interface. Donc, entre les actes et les décisions des hommes, de côté, et les contenus concrets, sensibles et matériels de leur production, au sens large, je dis matériel, c'est évidemment, ça inclut aussi toute forme de service et de relation. Alors, entre ces deux côtés, s'interpose toujours une forme sociale fétichiste, que ce soit le service des dieux dans le temps ou la rentabilité aujourd'hui, et qui décide de la destinée de ce contenu concret. Cette forme sociale inconsciente agit comme une code qui donne leur forme aux actes et qui crée les lois aveugles, mais apparemment objectives, entre guillemets, ou naturelles, entre guillemets, qui règlent la vie humaine. Anciennement, cela pouvait être la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les lois économiques, les exigences de rentabilité, les impératifs technologiques ou la nécessité de la croissance. Donc ce sont toujours des lois qui visiblement n'appartiennent pas à la première nature, donc à la nature biologique, mais qui appartiennent à la seconde nature, donc c'est-à-dire à l'environnement social qui a forgé l'homme lui-même au cours de son évolution, mais qui lui paraît finalement tout aussi donné comme la première nature. Ces lois sont donc indéniablement l'œuvre de l'homme, et pourtant personne ne les a décrétées dans leur forme présente. Elle mène à des situations que personne ne veut consciemment et auxquelles pourtant tout le monde contribue en permanence. Donc je vais vous lire encore un autre paragraphe que j'avais écrit. Donc, Donc le fétichisme de la marchandise, donc, comme nous l'avons dit, n'est pas une fausse conscience ou une simple mystification, mais il est une forme d'existence sociale totale qui se situe en amont de toute séparation entre reproduction matérielle et facteurs mentaux, parce qu'elle détermine le fond même de la pensée et de l'agir. Donc le fétichisme n'est pas un reflet de la réalité matérielle, mais le fétichisme, on peut dire aussi la valeur, et quelque chose qui pose elle-même l'existence même de se faire séparer. Donc, il partage ses traits avec d'autres formes de fétichisme de la conscience religieuse, parce que finalement, on peut aussi dire que la religion n'était pas simplement le reflet, par exemple, du féodalisme. Là, c'est vraiment du marxisme, je dirais, vulgaire. Il y avait donc la religion qui était une forme totale de penser le rapport humain, parce que aussi, parce que on s'est demandé souvent, par exemple, pourquoi les paysans obéissaient aussi, par exemple, à l'Église et, et au Seigneur, en étant beaucoup, beaucoup plus nombreux. C'était aussi parce que le rapport était évidemment conçu en forme, forme religieuse, comme une espèce. On va aussi répondre à ce thème. Donc, il y avait quand même, une forme assez diffusée à beaucoup de sociétés de concevoir l'âme. Le rapport humain est essentiellement sous forme de dons et de contre-dons qui eux-mêmes sont une forme déjà rationalisée du sacrifice. Et donc, par exemple, dans une conception religieuse du monde, donc les personnes tiennent leur place dans l'hiérarchie sociale, évidemment aussi de leur capacité d'assurer, par exemple, ce rapport avec le Dieu, donc avec le sacrifice. Donc là aussi, ce sont des structures, évidemment, matérielles, mais aussi, on peut dire, sociales, et je dirais aussi, ultra psychologique, parce que cette idée, par exemple, cette peur, par exemple, de pouvoir être, être dévoré si on est fait, on est payé par les tribus nécessaires, par exemple, c'est quelque chose, évidemment, qui est très fort dans les cultures archaïques. Donc, le premier forme de sacrifice, c'est évidemment d'échange avec le Dieu. Donc, on donne à Dieu quelque chose pour ne pas être dévoré par les dieux. Et donc on sait que ces sacrifices ont été peu à peu humanisés, donc le sacrifice humain est la forme la plus archaïque. Mais cela après se retrouve aussi, par exemple, justement, au niveau ultra-psychique. Donc par exemple, dans la psychoanalyse, certainement, par exemple, l'on le font également, souvent à peur d'être dévoré, par exemple, par la parole. Et cela se retrouve, par exemple, dans les mythes anciens, par exemple, comme Cronos, qui dévorait ses enfants. Je trouve toujours important de ne pas vouloir, de ne pas tenter de donner une priorité à un de ces facteurs. Donc, ce n'est pas dire que la société n'est que le réflexe de la structure individuelle psychique, comme le faisait Freud, ou de ne pas même dire au contraire que la seule chose qui compte, c'est la société, et que l'individu est un réflexe. Je trouve que justement le fétichisme, selon moi, permet de penser ensemble ces différents niveaux, sans attribuer une espèce de priorité. Donc, tout fétichisme peut donc être caractérisé comme une forme a priori. Donc, le concept de forme a priori évoque évidemment la philosophie d'Emmanuel Kant. Cependant, le schéma formel qui précède toute expérience concrète et qui la modèle, donc la question ici, n'est pas ontologique comme chez Kant. Chez Kant, pensait d'avoir découvert quelque chose, donc c'est ce qui est maintenant cette catégorie du temps, de l'espace et de la causalité, donc pour Kant, s'applique à tout être pensant, comme on disait. Mais évidemment, le fétichisme pense qu'il existe différentes de ces formes a priori, parce qu'elles sont historiques et sujets à évolution. Donc il suffirait donc de répondre à la question kantienne. En levant aux catégories a priori leur caractère atemporel et anthropologique pour arriver à des conclusions proches de la critique du fétichisme de la marchandise. Le fait, en plus, que la perception du temps, de l'espace et de la causalité varie fortement dans les différentes cultures du monde a été remarqué même soit par des auteurs d'inspiration kantienne comme Ernst Cassirer, mais également, par exemple, par Durkheim, à la fin de la réforme élémentaire de la vie religieuse. Cependant, il ne s'agit pas seulement, pour la critique que j'ai proposée ici, il ne s'agit pas seulement des catégories de la connaissance, mais aussi des catégories de l'action, Et donc le fétichisme de la marchandise dont parle Marx et l'homme conscient dont parle Freud sont les deux formes principales qui ont été proposées après Kant pour rendre compte du niveau de conscience dont les acteurs n'ont pas une perception claire, mais qui les détermine en dernière instance. Mais tandis que la théorie freudienne de l'homme conscient a été admise largement, la contribution de Marx pour comprendre la forme générale de la conscience est restée la partie de son œuvre la plus méconnue. Avec les formules du fétichisme de la marchandise et du sujet automate, Marx a jeté les bases d'une conception de l'homme conscient à caractère historique et soumis au changement, tandis que l'homme conscient de Freud est essentiellement le réceptacle de constantes anthropologiques voire biologiques. Donc c'est la moindre limite de Freud. Chez Freud, il y a toujours question du rapport entre une conscience tout court et une culture tout court. Et pour lui, ce rapport n'a guère changé depuis l'époque de la horde primitive. Donc il parle de totem et tabou. Donc totem et tabou. Dans la théorie freudienne, il n'y a pas de place pour la forme fétichiste. Donc l'évolution forme précisément la médiation entre la nature biologique, en tant que facteur effectivement presque invariable, et les événements de la vie historique. Et donc le rapport entre la priori de Kant, le conscient de Freud et le fétichisme de Marx ont été rarement l'objet de recherches approfondies. Donc, aussi dans le sens de ce séminaire, on tentera de opérer dans un certain sens une unification de ces approches, mais sans négliger leurs grandes différences, voire leur antagonisme. Surtout entre Kant, qui était l'idéologue enthousiaste de la nouvelle forme de conscience qu'il a lancée, et Marx, son premier critique achevé. En effet, ce que nous analyserons, c'est la naissance du sujet moderne et de la figure même du sujet. Et sans y voir une erreur épistémologique, comme certains structuralistes, nous arriverons quand même à relever au sujet beaucoup de ses épaulettes. Souvent, on entend par sujet le simple fait qu'il faut toujours un porteur humain de l'action et de la conscience. Mais cette définition générique n'explique rien. Il faut la comparer à l'identification abusive que l'on opère couramment entre le concept de travail et le métabolisme avec la nature. Et ce rapprochement entre le sujet et le travail n'est pas fortuit. Ce que l'on nomme habituellement sujet n'est pas identique à l'être humain, à l'individu. Et évidemment, l'être humain, l'individu, dans la science biologique, ont toujours existé. Enfin, le sujet est une figure historique particulière qui est apparue il n'y a pas si longtemps, en même temps que le travail. Le sujet, là on va l'approfondir dans deux séances, se base sur une scission, sur l'expulsion d'une partie de soi-même et sur la peur de son retour. Donc le sujet, par exemple, tel qu'il s'est formé au XVIIIe siècle, est par exemple défini par la capacité de s'autodiscipliner, de retenir, de travailler, donc de contrôler par exemple ses impulsions, ses rages, etc. Et justement, qui n'y arrive pas, normalement, on n'est pas considéré un sujet au sens plein. Et donc, évidemment, l'enfant n'est pas considéré un sujet, par exemple, au sens, par exemple, aussi juridique. Et justement, jusqu'au début du XXe siècle, en général, les femmes et aussi d'autres parties de la population étaient exclues de ce statut du sujet parce qu'on ne leur attribuait pas une capacité nécessaire de se auto-maîtriser. Donc, il faut toujours se rappeler le mot sujet, subjectum, en latin, ça veut dire celui qui est soumis, donc ça ne veut pas du tout dire le mensupé, le libre, etc. Ça veut dire celui qui est soumis à quelque chose d'autre. Et on peut dire historiquement que le sujet, donc, tel qu'il a eu son envol, surtout à partir du XVIIIe siècle, est celui qui n'a plus besoin d'être dominé par quelque d'autre, par une force extérieure, parce qu'il se soumet volontairement à cette force extérieure anonyme, parce qu'il est, au même, il est son propre maître. Ou comme l'avait dit avec avec sa brutalité, ça veut dire habituelle, Hegel, il avait dit la liberté, ça veut dire de comprendre la nécessité. Et, donc, Et donc peut-être ce sujet n'est-il pas nécessairement le porteur de l'émancipation humaine, le bon pôle à défendre, opposé au mauvais pôle constitué par la société oppressive. On pourrait soupçonner au contraire que la forme sujet comporte en réalité l'effacement de toute particularité individuelle. Oui, parce que le sujet est comme toujours défini en termes formels, on veut dire surtout pour la capacité de la autocontrainte, et donc le caractère réel des individus, au contraire, donc en général, doivent même être mis à côté, de telle manière, être supprimés pour pouvoir vraiment accéder au statut de sujet. Et donc cette critique du sujet, que on veut dire, on va, si je vous dis la prochaine fois, on va se voir dans 3 semaines, je voudrais donc parler, donc le 19 février finalement, comme je dis, de la, du concept de fétichisme avant le capitalisme, et la fois après, donc de la naissance du concept du sujet, donc surtout entre Descartes et Kant. Justement, donc, cette naissance du sujet, évidemment, une contribution justement à la compréhension aussi des présupposés de la société marchande, parce que justement, le sujet, donc, cette interprétation n'est pas du tout ce que s'y oppose à la valeur, à la marchandise, au travail, etc. Mais ce que nous appelons le sujet est justement constitué par ces catégories, même et le constitue. Et donc, cette considération sur le sujet, donc, justement, doit être une partie de ce que moi j'appellerais une espèce d'histoire psychique de l'humanité. Donc, justement, de considérer même la constitution, même la nôtre constitution psychique aujourd'hui, évidemment, n'est pas directement biologique, mais évidemment, il y a comme une espèce de couche géologique où les différentes formes d'humanité donc, se sont superposées pour faire évidemment, se sont chaque fois reconstituées aussi avec des restes de constitutions précédentes. Freud a souvent comparé aussi le travail de la psychoanalyse au travail de l'archéologue, donc parce qu'évidemment rien ne disparaît jamais dans l'histoire de l'individu, mais les choses sont toujours réutilisées dans les constructions successives. D'ailleurs, voilà pourquoi Freud a aimé bien la ville de Rome, parce que la ville de Rome, il voyait cette espèce de succession de strates, comme il insiste beaucoup sur cet aspect dans son écrit sur la grande Ivar. Mais pour Freud, cela restait vraiment une question individuelle. Freud ne s'est pas du tout posé la question d'une espèce de inconsciente collective, et non pas collective, pas du tout au sens de Jung, évidemment, mais collective comme un facteur historique. Partagé en général par ses membres, qui également le résultat, évidemment, de toute une série aussi de formes antécédentes de constitutions psychiques qui, évidemment, étaient toujours liées à d'autres moments historiques. C'est évidemment que si les hommes du Moyen-Âge n'étaient pas totalement différents de nous, c'est comme clair qu'évidemment, il avait une structure psychique différente de la nôtre. Et merci beaucoup. Vous savez, aussi beaucoup discuté, par exemple, de la question de l'universalité ou pas du complexe d'Édipe. Et on a tiré une science effectivement assez intéressante qui s'appelle la ethnopsychiatrie, qui d'ailleurs, je pense, n'est pas vraiment arrivée à des gros résultats, par exemple, sur cette question de la dépression, de le complexe d'Édipe sont des facteurs universels ou pas. Donc, je pense les enquêtes sont totalement contradictoires. Alors, ça dépend évidemment de la question, évidemment de comment on définit le terme en question. Et donc je pense que cette histoire du fétichisme doit aussi donc être une histoire donc de constitution psychique de l'humanité. Donc c'est une histoire de cette forme a priori comment les hommes perçoivent le monde. Donc c'est une situation. A priori, donc là, comme on dit raison à 4, nous ne pouvons jamais percevoir les choses en tant que telles, parce que le matériel est totalement chaotique. Donc nous filtrons toujours tout ce qui nous arrive à travers des catégories. Parce que les catégories ne sont pas simplement le temps et l'espace de la causalité, et déjà, parlant, ça varie. On dit parce que notre perception du temps assurément n'est pas la même qu'à l'Antiquité, ou dans une société totalement immergée dans les mythes. Mais même au plan social, nous avons donc cette espèce d'a priori, de schéma, on dirait comme qui nous explique qu'est-ce que nous voyons et qui nous aide aussi à faire, à catégoriser les choses et à voir qu'est-ce qui va avec quoi. D'ailleurs, peut-être si vous vous rappelez le mot et les choses de Foucault, commence en citant ce texte effectivement très amusant de Jorge Luis Borges sur l'encyclopédie chinoise imaginaire, donc une classification évidemment des choses, je ne sais pas si vous l'avez présent. C'est extrêmement amusant parce qu'évidemment, il propose une classification de choses selon des critères que nous trouvons totalement arbitraires. Mais là aussi, comme très souvent, Borges a comme touché un point assez juste, de dire qu'il peut y avoir 10 000 manières de classifier les objets et du monde, que nos classifications, même les choses les plus évidentes, par exemple la distinction entre choses animées et non animées, par exemple, n'est pas du tout évident, par exemple, le Maori en Nouvelle-Zélande, comme le dit aussi Marcel Mauss, qui avait vraiment travaillé beaucoup sur la même question, mais comment peut-être aussi, avec les Lévi-Strauss aussi, d'autres. Mais, d'accord, de toute manière, on sait que toutes les classifications donc, sont évidemment un produit historique, rentrent donc bien dans cette question de l'inconscience, une question historique et de l'évolution de l'humanité. Et on peut sûrement dire qu'entre Descartes et Comte, au XVIIe, XVIIIe siècle, donc il y a la forme sujet comme une forme a priori qui se met en place. Donc je pense que chez ces deux auteurs et beaucoup d'autres de l'époque, on peut le dire très clairement. Donc chez Descartes, il y a clairement cette idée nouveau à cette époque, le moi, le moi opposé au monde, donc le moi qui retrouve sa seule certitude dans son existence immédiate. Et donc on trouve déjà chez Descartes tout le solipsisme moderne, et après donc chez Kant, donc cela est développé dans le sens d'une définition de ce moi à travers une série de catégories qui justement sont aussi cette intériorisation de la contrainte sociale dont nous avons parlé. Donc là, Kant le fait dans la critique de la raison pratique et dans le fondement de la métaphysique de mœurs. Et là, juste pour dire, donc, il insiste sur le fait que cette histoire psychique de l'humanité touche donc des formes globales, parce que cette forme sujet, même si avec des formes très différentes, n'est pas liée par exemple à une classe, une catégorie de personnes. C'est quelque chose qui, même si en général ce changement commence dans le haut de la société, finit pour englober toute la société. Et donc là aussi, encore, l'histoire du fétichisme est très différente du matérialisme historique. Ou d'ailleurs, si on dit matérialisme historique, on peut étendre cette catégorie aussi à d'auteurs qui ne se conçoivent pas comme des marxistes, comme par exemple Pierre Bourdieu, comme l'approche de Bourdieu est très proche en vérité, beaucoup plus de ce qu'il ne voudrait admettre au matérialisme historique. Et donc, par exemple, le matérialisme historique, par exemple, ils disent immédiatement que la philosophie du XVIIIe siècle, c'est la philosophie de la bourgeoisie. Donc, c'est la philosophie avec laquelle la bourgeoisie affirme dans sa prétention de gouverner la société contre l'ancienne image du monde chrétien et féodal. Et d'ailleurs, cela est tellement devenu un lieu commun, je pense, dans tout le manuel d'histoire de la pensée, je pense, le répète, même sans aucune référence directe à Marx. En plus, évidemment, il y a un côté vrai, c'est vrai, évidemment, que Voltaire ou Kant ou d'autres sont aussi liés à l'intérêt de la bourgeoisie, à la déchristianisation, etc. Je pense que ce ne va pas assez loin parce que, par exemple, parce qu'en même temps, ces philosophies expriment aussi une nouvelle forme globale qui arrive, qui englobe peu à peu tous les membres de la société et qui finalement, évidemment, la forme sujet n'était pas la même pour une propriété d'usine que par un nouveau prolétaire. Mais d'une certaine manière, au moins aujourd'hui, une rétrospective, on peut peut-être dire que leur différence peut-être comptait moins fort que ce qu'ils avaient en commun, parce que c'était cette forme sujet, par exemple, de ne plus se définir en termes religieux, mais se définir, par exemple, en tant que bête de travail. Parce qu'en vérité, les capitalistes également se définissaient à travers le travail, pas à travers le travail qu'ils faisaient personnellement, mais à travers le travail qu'ils réussissaient à avoir les autres. Mais ils étaient toujours définis à travers le fond sujet passé par le travail et pas, par exemple, à travers une statut inné qu'ils avaient, que Dieu leur avait donné en naissance. Et donc, c'est des liens. L'histoire de l'humanité au moment de l'histoire des derniers siècles comme une succession de constitutions psychiques, donc je dis, évidemment, n'efface pas les importantes distances, différences entre les différents groupes sociaux, mais ne les met pas au centre de la considération. Parce que dans une certaine considération très axé sur l'idée des classes, on peut dire, je suis Althusser et d'autres, et finalement on a l'impression que ces différentes classes sociales n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, dans le, par exemple, le 19e siècle, donc c'était vraiment presque des êtres biologiques, complètement différents. Hein. Et donc aujourd'hui, ces choses, évidemment, est encore beaucoup plus évidente, qu'il y a comme des formes de sentir et de percevoir le monde à travers la théorie de la valeur et de la marchandise qui souvent nous accommune beaucoup plus que de ce qui compte, les différences quantitatives qui également restent importantes. Mais selon ce que je pense, il ne peut pas expliquer la réalité d'aujourd'hui à partir de la différence entre la forme de conscience d'un George Soros et nous. Je pense que c'est quand même c'est plutôt une différence de degré, pas une différence vraiment de statut ontologique. Alors aujourd'hui, je me suis arrêté un peu avant pour écouter vos objections. Vous voulez après un peu continuer ou pas. Dans l'exposé que tu as fait, là, tu parles du fait que l'histoire des fétichismes, l'histoire des formes fétiches, elle est liée à la notion d'inconscience, parce que chaque société aurait sa forme dont elle ne peut pas prendre conscience. Et il y a justement, tu citais là aussi la séance précédente, Graeber, qui lui, plus ou moins. Qui Graeber. Oui, oui. Qui lui a plus ou moins évoqué le fait que il y avait peut-être une façon de voir la façon dont les sociétés qu'on a appelées fétichistes. Parce que sauvage, parce que etc. Notamment les sociétés africaines dont il parle dans un article qui est sur la créativité justement des fétiches. Et il évoque le fait que dans ces sociétés-là, il n'y avait peut-être pas tant d'inconscience que ça, quoi. Il y avait aussi de la part des membres de ces sociétés-là le fait qu'ils n'étaient pas si dupes que ça du fait que ils faisaient fonctionner leur socialité, leur mise en commun de certaines formes et de ce qui les associait, qu'ils les faisaient fonctionner et que ce n'était pas simplement quelque chose qui venait de l'extérieur. Oui, mais c'est sur ce livre que je n'ai pas lu, j'ai oublié l'auteur, qui s'appelle « Est-ce que les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» C'est effectivement une question. D'ailleurs, Lévi-Strauss aussi évoque le fait, pour lui très surprenant, de trouver par le chaman qui était un imposteur, mais qui croyait quand même à sa propre imposture. Donc, je ne sais pas si vous pouvez rappeler ce passage, je l'ai exposé. Il parle d'un chaman qui prétendait donc finalement de faire un exorcisme et de retrouver dans sa bouche il expulsait le caillou qui était évidemment le mal dans l'âme de la personne de le guérir, mais finalement. Donc l'ethnologue en question, en l'observant bien, vous voyez qu'il avait déjà caché les cailloux dans sa bouche. Mais quand même, Lévi-Strauss promène qu'on ne peut pas dire que c'était par exemple une posture, parce que même temps de lui, le chaman y croyait, en plus les faits étaient réels, parce que les personnes étaient tellement convaincues de sa guérison qu'il guérissait. Hein. Oui, mais il y a aussi la question... Du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire que peut-être que ce qui caractérise le fétiche sur lequel nous sommes... nous fonctionnons dans la modernité, c'est à la fois effectivement son côté dynamique par rapport à d'autres formes de société où il n'y avait pas ce caractère indéterminé, infini, indéfini de l'expansion qui s'enclenche à cause du fonctionnement et de la structure même du fétiche. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que peut-être que le fétiche marchand, c'est peut-être aussi le seul finalement qui est réellement inconscient? Ouais. Oui, de certaine manière, oui, parce que en fait, la question d'une vie, c'est un peu le contraire de ce que j'avais dit avant, mais les deux choses peut-être ne s'excluent pas. Il y avait aussi en cours dans quelques passages qui dit que peut-être le fond fétiche d'autres sociétés n'était pas si adhérent, c'était comme des vêtements plus larges. Ça remet à une autre chose que j'avais dit, que je pense que c'est très important, parce que la modernité, c'est. C'est propose toujours comme une forme de désenchantement, donc une dépassement de la métaphysique. Mais en second livre, en vérité, c'est presque pire, parce qu'avant, il y avait vraiment une séparation. Donc il y avait le ciel et la terre. Donc le ciel était régi évidemment par la métaphysique, et, par les lois non naturelles, et la terre par les lois assez terrestres. Tandis que là, justement, dans la société fétichiste, évidemment, chaque objet, chaque marchandise, c'est une être sensible, suprasensible, chaque objet de la vie quotidienne avec un caractère de certaine manière magique. Et donc, de certaine manière, on pourrait même dire que la métaphysique est descendue du ciel et c'est pratiquement un peu éparpillée dans chaque acte de notre vie. Évidemment, un tel fétichisme serait encore moins possible d'y échapper. C'est une possible approche. On pourrait lui opposer l'autre vision de l'auteur, par exemple, comme Durkheim et Moss, qui insiste sur le fait que dans les sociétés ethnologiques, en vérité, tout est sacré, pratiquement tout ce côté-là. On n'a rien gagné et rien perdu avec la valeur. On serait toujours dans une forme de fétichisation de la vie quotidienne. Mais justement, en t'écoutant, j'ai pensé une chose qui m'a assez intéressante, parce que dans les formes anciennes des fétichismes, par exemple dans la religieuse, effectivement, une chose qui nous frappe souvent, que c'est les gens, tous les membres de la société, ils trichaient souvent avec la foi. Et du pape jusqu'au dernier, jusqu'au moment de tous, donc souvent, ils ne tenaient aucun compte dans la réalité, évidemment. Donc, on dirait d'un côté, est-ce qu'ils croyaient vraiment, par exemple, à l'enfer? Si on voit avec quelle facilité au Moyen-Âge, ils faisaient de la menteur, de soir, tout le contraire de la religion chrétienne. De l'autre côté, avec toute la difficulté que nous pouvons avoir de nous mettre dans leur tête, je pense qu'il serait erroné de dire que les gens n'y croyaient pas, ils sont fichés simplement. En vérité, nous n'avons pas un seul exemple de tout le Moyen-Âge d'une bonne croyance affichée. Donc, probablement, il y avait une espèce de, même encore aujourd'hui, dans les gens qui suivent une religion, je pense qu'il y a quand même une espèce de schizophrénie, il peut y avoir une espèce de schizophrénie, donc on accepte en général l'idée de la religion, on accepte même l'idée d'un enfer, d'un paradis et tout, mais en même temps, cela reste comme dans une relativement longue, tandis que la vie quotidienne est moins déterminée par ce forme de fétichisme, non? La classique, évidemment, forme aussi de ce compromis au Moyen-Âge, c'était évidemment de se repentir au dernier moment et de laisser tout ça bien dans les monastères, comme dans la nouvelle de Boccaccio, qui apparaît aussi dans le film de Boccaccio, qui apparaît aussi dans le film de Pasolini, si vous l'avez vu, des Camerons. Ouais. Ou le pire des pêcheurs à la fin, donc il a réussi, mais il a tellement encore le métro lorsqu'il fait sa confession qu'il a même déclaré sainte. Hein. Oui, et donc là, donc, avec la conscience religieuse, certainement, on peut tricher. On peut dire, en effet, effectivement, par exemple, avec le fétichisme de la marchandise, on ne peut pas tricher, parce que c'est dans les actes de tout le monde, de tous les jours. Hein. Ce côté-là, effectivement, cela nous détermine, et surtout, ça nous détermine peut-être plus fortement, parce qu'on nous parle toujours de nos intérêts. Par exemple, si nous ne respectons pas la loi de la valeur, nous échangeons au marché, c'est en général à notre détriment. Nous avons encore intérêt à tricher. Différemment, par exemple, qu'à la conscience religieuse. Là, il y a toujours cette idée que si peut-être le Père s'est distrait un moment, peut-être on peut profiter de ce moment de distraction. Si l'œil de Dieu est plus moment, l'œil de la marchandise n'est jamais ailleurs. Oui, je pense que c'est une idée qu'on peut approfondir. Même si, la question évidemment, de voir est-ce que donc, quand même si on voit cela présuppose quand même une espèce de dualisme entre le fétichisme et la réalité. Comme c'est quand même, il existe effectivement une réalité, disons, biologique, corporelle, immédiatement sociale, qui est falsifiée par le fétichisme. Là, je pense que ce n'est pas un dualisme, parce que les actes même, même la réalité sociale immédiate, est quand même déjà constituée par le fétichisme dans, dans toute forme de société. Probablement, là, il faudrait peut-être distinguer entre différents degrés, même. Parce que justement, le fait que c'est à la fois aussi, je pense, une nécessité aussi pour la réflexion future, comment faire la distinction entre le fétichisme en tant que catégorie, comme une sorte d'aliénation, et historiquement aussi dépassable, et le fétichisme en tant que sorte de médiation sociale entre culture et culture, qui évidemment en tant que telle ne serait jamais dépassable. Est-ce qu'il y a une part de liberté dans le C'est difficile de discuter après. Moi, je ne trouve pas, on le dit souvent, je ne trouve pas. Non, parce que de toute manière, nous assistons actuellement, plutôt à la fin de ce système déterministe. Je pense que ça ouvre de grandes possibilités. Je trouve qu'au contraire, le fait que je ne sois pas déterminé par le groupe social auquel j'appartiens, etc., ça donne aussi une certaine liberté à la morale individuelle, à la conscience, je trouve. Justement, le thème que je n'ai pas pu aborder aujourd'hui, justement.